Cosette, c'est fou. Pour l'écouter. 89.1. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. D'aujourd'hui, assemblage requis. On goûte et on écoute avec Xavier Antoir et Tétoy Cuisine. Et on parle sport avec Nicolas Ducharme. Sport, moi, pas là-dessus, toi, là. Sport, mon pauvre. Assemblage requis là, démarre c'est... maintenant. Ben ouais, ben ouais. Bonjour et bienvenue à une autre semaine d'Assemblage requis en ce lundi 19 décembre 2011. On est en direct des studios de Cifois à Trois-Rivières. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, François Olivier. Oui, passez une belle fête de semaine, François Olivier. Oui, une fête de semaine chargée. Ah ouais? Hein? Ben, on s'est vu samedi. Ah, c'est vrai, tu je me rappelle pas? Plus, non. Non, mais on était quand même un petit peu loin l'un de l'autre. Ouais, on était un peu loin, mais je t'ai quand même vu danser sur les tables à, oui. moitié habillé. Ou à moitié nu, mais ou c'est à moitié nu. C'est à moitié de quel bar, ouais. À moitié là aussi. Ouais, ben merci, c'est ça. C'était à peine si on me voyait, j'étais comme très, très subtilement dans le coin proche de la porte. Donc, c'était amusant. Par contre, tout le monde était là, pas mal. Il y avait beaucoup oui, une belle soirée. De belles personnes. Une belle soirée, ça. Beaucoup d'animateurs, là, c'est fou, qui étaient présents aussi. Et des chroniqueurs du journal Zone Campus. Chroniqueurs, journalistes. Oui, et chroniqueurs à l'émission ici. Oui, aussi. Par la même occasion. Exactement. Donc, merci à vous. Oui, merci à vous tous d'être venus. Et puis, on s'en fait ça chaque année. Donc, à un moment donné, à l'année prochaine. Et voyage. Chef. Je vous dis à l'année prochaine. À la prochaine fois, c'est ça? Ah, à la prochaine fois, oui. Ben, c'est l'année prochaine. Ben, c'est ça. Donc, aujourd'hui, à l'émission, dans quelques minutes, à 7h15, on va recevoir Kiwan en cavale en direct de l'Alberta. Et aujourd'hui, ben, il va nous faire entendre de la musique et nous parler d'un festival de films. Film? Film. OK. Ouais. Donc, on en parle tantôt avec lui. Donc, Kiwan en cavale. Ensuite, à 8h, on aura Xavier Antoir et sa chronique Tais-toi et cuisine. Est-ce qu'il continue son guide cadeau? Est-ce que c'est... on sait pas encore, hein? Je sais pas. Peut-être. On verra. Il va sûrement conclure, là, j'imagine, avant Noël. Là, oui, ben, avec c'est ça. Ce serait pas mal le moment pour terminer ça. Idéalement, oui. Donc ça, c'était à 8h. Et puis à la fin de l'émission, à 8h30. On parle de sport. On va parler, c'est sûr qu'on va parler de Jacques Martin qui a été congédié du Canadien. Oui, oui, pour la grosse nouvelle. Unilingue, l'affaire là, qu'on voit sur Facebook, là, c'est qui là, qui parle juste anglais, je sais pas quoi. Ouais, Connor Ward. Connor Ward. Ouais. Yeah. Puis Patrick Roy, qui me fait rire. Comment ça? Qui me fait rire. En fait, une sortie, une espèce de conférence de presse. Bon, c'est sûr que les journalistes en ont mis aussi. Mais, tu sais, il dit attendre l'appel du Canadien, puis tendre l'oreille si le téléphone sonne, tu sais. Oui, le choc est normal. Hein, ah, ouais. Écoute, il... Il y a de l'espoir. Je l'aimais bien, moi, comme gardien avant, mais plus ça va, on dirait, plus... J'ai comme l'impression que le gars, il déraille un peu. Ça devient une joke. Ah, mais c'est pathétique un peu. Mais bon, écoute, on va en parler vers les 8h30. Parfait. Bon, on va parler de football aussi, j'imagine. Oui, c'était une grosse journée de football hier. Ah ben, dis-moi non. Ben, ça vient de fois. C'est ça. Aussi, la chronique Geek CNX, donc vraiment, du début à la fin de l'émission, c'est le contraire, tu sais, on va comme passer d'une extrême à l'autre. T'sais. Chose geek, chose de sport, ça se mélange pas, c'est l'huile et l'eau et le tu sais. C'est l'huile et l'eau. L'huile et l'eau, la glace et le feu. Oh! Bon. Mais on débute l'émission avec Bon Iver. Hey, Mathieu. Oui. Juste avant. Oh, okay, rapidement. On va essayer de faire un petit top 3 d'album de l'année. T'entends-tu? Ah oui, ok. Parfait. Okay. Vendu. Good. Don't you cherish me to sleep? Oh. Never keep your eyes closed. Hold me for the pops and clouds. I was only for the father's crown. teacher, but it's hard because I was only trying to smell the loves. L'astroblème de Marc Derry à Assemblage requis. On a commencé le bloc avec Bon Hiver. Oh, Bon Hiver! Bon Hiver, la pièce Calgary. Oui, joyeux solstice d'hiver à tous en passant cette saison festive. Des fêtes festives. Festif. Festif. Festif. La saison festive. J'aime ça. C'est festif. Oui! On aime beaucoup. Voilà l'émission qui continue, Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. Tout à l'heure, on va parler avec Kiwan en direct de l'Alberta. Je regarde ça, sa chronique est toute remplie de miracles, des fêtes. Ouais, le festival du film, le festival de film Banff Mountain Film Festival. C'est de ça qu'il va nous parler tantôt, le festival de film. Ouais, et on va aussi entendre du Adam and the Amethysts. J'ai jamais entendu parler. Il me demandait si j'avais déjà entendu. Non, j'ai jamais entendu parler de ça. Tant mieux! Hein, on a pu découvrir des choses ici à l'émission, c'est vrai. Donc, avant de l'accueillir, on écoute les Breastfeeders. Voici Danser son atome. Breastfeeders et danser sur ma tombe à Assemblage requis, François-Louis Marchand. Merci, Mathieu Plante. OK, bon, ben, merci. Merci, Mathieu Plante. Hey, si ça te prend aussi peu de choses pour te rendre heureux, François. Ah, j'ai pas dit que j'étais heureux. Je t'ai juste remercié. Est-ce que je te remercie de tes services? On parle avec qui? À la prochaine. À l'année prochaine. Non, c'est quoi tu disais tantôt? À l'année prochaine. Ouais, l'année prochaine. C'était à la prochaine fois qu'on cherchait, mais ouais. T'étais proche quand même. Ouais, c'est ça. Pas trop loin. Bon. En tout cas, moi, bref, j'envoie ma canne à pêche comme à chou et je ramène un camion avec un Kiwan dedans. Bonjour à toi, Kiwan. Bon matin. Bonjour à vous. Ça va? Ça va bien, vous? Oui, très bien. Ah. Ouais. Donc, toujours en direct de l'Alberta, comme à chaque semaine, pour ta collègue Kiwan en cavale. Les choses vont bien? Les fêtes arrivent? Est-ce que tu as des congés pendant les fêtes? Quoi de neuf? Ben oui, c'est ça. Là, c'est la dernière semaine que je vous parle pour la chronique avant les fêtes, mais c'est aussi ma dernière semaine que je passe ici avant de retourner pour deux semaines au Québec. Ah, ouais, t'es sûr? Il me reste quatre dodos, là, puis après ça, je m'en vais. Ah, crime, c'est cool, ça. On est tous à quatre dodos de quelque chose en ce moment, je pense. Tout le monde au Québec. On dirait, il reste quatre jours avant quelque chose. Ouais, donc, tu vas passer au Québec, ça veut dire qu'on va te voir en direct, en tout cas, chez nous, hein, à Trois-Rivières. Ben, wow, mais calme. Mais pas à la radio, par contre, parce qu'on revient juste au début janvier, nous. Ouais, c'est ça, vous êtes en congé, là. Ben oui, c'est ça. On va être en onde quand même, mais pas en direct en studio. Ouais. D'accord. On devrait se faire des chroniques comme ça, live, en personne, comme ça, on aurait l'air plus vrai que de passer ça à la radio plus tard. Ah oui. Au travers les rediffusions, peut-être. J'irai m'asseoir en studio pour vous écouter les rediffusions. Fais comme Mystery Science Theater 3000, tu sais, où le monde il regarde un film de série B, genre, puis tu vois juste leurs ombres en avant, puis ils commentent le film en direct. Ah non, tu pourrais commenter notre émission de radio. Nos meilleurs moments, tu serais comme, ouais, cette blague-là de Mathieu était poche. Ah oui, je pourrais faire ça. Ouais, non, mais je dirais pas ça, par exemple. Je dirais jamais ça. Ben non, tu me respectes ben trop, hein, c'est ça. Ben oui. Donc, Kiwan, aujourd'hui, tu nous présentes trois sujets dans ta chronique Kiwan en Cavale. Oui, ben en fait, je vous parlerai pas de Noël. Aujourd'hui, c'est la grande chronique avant Noël, mais c'est pas un contenu très, très temps des fêtes. Je m'en plaindrai pas tant que ça, tu sais, finalement. Ben c'est ça, je me suis dit qu'il y avait sûrement plein d'autres occasions dans votre vie où vous en entendiez parler, fait que je pouvais peut-être passer mon tour pour cette semaine. Tout à fait. En fait, je veux vous parler du Banff Mountain Film Festival qui était en présentation à Banff dans son format original ou disons son format complet là, qui était ça fait quand même un petit bout que c'est passé là, c'était fin octobre début novembre. Mm-hmm. Puis après ça en fond ça c'est la même chose à chaque année hein. Le festival est pendant l'automne à Banff, puis après ça part en tournée. Vous l'avez probablement déjà vu passer chez vous à quelque part, peu importe où, parce que le festival est vraiment en tournée mondiale là. Il fait vraiment le tour du monde. Je me souviens pas combien de pays exactement qu'il fait. Je sais qu'il passe dans à peu près toutes les villes du Canada. Il va être ici à Medicine Hat tout de suite après les fêtes, début janvier. Et il va être chez vous à Trois-Rivières le 31 janvier prochain. Donc pour ceux qui connaissent pas trop le Banff Mountain Film Festival, c'est un festival de films de montagne, mais le thème montagne là, est vraiment exploité au sens le plus large. Donc c'est pas seulement un film de ski ou de snow. Il y a vraiment plusieurs thèmes. Tout ce qui a un lien dans le fond avec les montagnes. Donc il y a des films d'escalade, il y en a de randonnée, il y en a de sport de glisse, mais il y a aussi des films qui ont un côté un peu plus culturel, donc qui parlent des peuples qui habitent en montagne, ou même un côté un peu plus environnemental avec le réchauffement de la planète, des glaciers qui fondent, tout ça. Donc c'est vraiment très, très, très, très vague comme terme. Et donc ça, c'est pour la portion qui était locale à Banff. Donc pour ce qui est de la tournée, je peux pas exactement vous dire quel film va être présenté, parce qu'évidemment, le festival ici à Banff durait 9 jours. C'est vraiment 9 jours là, de programmation, presque avec des journées complètes. Il y a vraiment plusieurs films par jour. Et la tournée, elle, c'est seulement une soirée. Dans le fond, vous achetez un billet, c'est un peu comme... c'est un billet un peu pour un spectacle unique d'un seul soir. Donc, évidemment, il faut que les organisateurs locaux de chaque événement fassent un choix. C'est eux qui font le choix, dans le fond, des films. Et la programmation n'est pas sortie encore. Là, pour par exemple, si on parle de celui de Trois-Rivières, la programmation n'est pas sortie, mais ça va être vraiment les organisateurs de la portion Trois-Rivières qui vont choisir parmi tous les films de l'édition 2011 ceux qui veulent présenter dans leur chez eux, dans le fond. Mm-hmm. Et moi, je voulais vous parler d'un film en particulier que j'ai vu et qui était présenté cette année en grande primeur au Banff Mountain Film Festival. C'est le film All I Can. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Moi, non. C'est un film qui a quand même fait parler de lui assez dans les 2 dernières années, parce que ça fait 2 ans que le film est commencé et qui ont commencé déjà à présenter des bandes-annonces et des extraits du film. Puis c'est vraiment un film quand même à assez gros budget. C'est un film qui a été fait par Sherpa Cinema, qui est en fait réalisé par Dave Mossop et Eric Crossland pour les films Sherpa. Et c'est un film c'est comme un peu un amalgame là, de tous les thèmes de montagne qu'on retrouve dans le festival. Donc c'est essentiellement un film de sport de glisse. Donc les acteurs, dans le fond, ou les personnes qu'on présente dans le film, c'est vraiment des professionnels de free skiing. C'est des skieurs surtout, dont entre autres JP Auclair, qui est un Québécois qui est vraiment un vieux de la vieille là, dans le free skiing, qui a même influencé plusieurs autres jeunes skieurs qu'on voit même dans le film. Il y a certains acteurs du film qui sont comme ah, mon idole, c'est JP Auclair, parce que ça fait vraiment très longtemps qu'il fait ça. Et ce qui est particulier un peu, c'est que le film est vraiment pas fait. Vous avez probablement déjà vu des fois là, des films de snow ou de ski. C'est souvent... Ouais, ben c'est ça. Ça a une espèce de, il y a toujours un peu la même esthétique qui est faite avec des clips très très courts qui s'enchaînent avec, tu sais, plus ou moins d'ordre. C'est souvent que ça ressemble souvent à un vidéoclip, tu sais, une trame sonore puis des images. Ça large, genre, c'est ça. Puis c'est souvent très très rythmé, très rapide. Ouais. Mais l'esthétique de ce film-là est totalement différente de tout ce que vous avez vu avant comme film de snow ou de ski, parce qu'en fait c'est ça, ça en est pas un complètement. Ils ont essayé, eux, de rassembler leurs intérêts à eux, Dave Mossop et Eric Crossland. Donc, c'est un film qui parle, entre autres, d'environnement. Donc, ils ont essayé un peu de mesurer l'effet environnemental ou le poids environnemental de leur sport. Ils ont essayé de faire ça avec, un peu avec essayer de présenter en fait les mauvais côtés puis les bons côtés de ce qu'il y a en montagne. Dans le fond, le film a été tourné dans plein de pays, puis dans chaque pays, ils vont parler par exemple des centrales au charbon ou de ce qui pollue dans un pays puis à proximité de montagne. Après ça, eux autres, ils essaient de montrer que eux autres, leur sport, ils le font d'une façon éco-responsable, si on veut. Sauf qu'il y a eu un genre de controverse. Aussitôt qu'ils ont commencé à sortir les premières bandes annonces de ce film-là, puis d'en parler au début 2010, il y a eu beaucoup de controverses parce qu'en fait, leur film est très, très dur à défendre côté environnemental parce que ils ont été tournés dans environ 5 pays. Ils ont pris beaucoup, beaucoup de billets d'avion. Ils ont fait énormément d'heures de vol dans des gros avions de ligne, donc qui consomment vraiment beaucoup, beaucoup d'essence et qui sont vraiment pas écologiques. Et aussi, la majorité de leurs films est tournée à partir d'hélicoptères. Bah, ouais, c'est ça. Donc, c'est un hélicoptère, ça consomme quelque chose comme 50 litres de kérosène, de mazout, ou je sais pas trop quoi, là, à l'heure. Donc, c'est vraiment pas. Mais tu sais, eux, dans le fond, ils essaient de montrer parce que c'est aussi des fans de randonnée. Donc, souvent, quand ils montent une montagne, quand ils vont sur des sommets qui sont vraiment inatteignables, là, où il n'y a pas vraiment de, tu sais, il n'y a pas de remontée, il n'y a pas de façon d'y aller, ils vont à pied. Donc, on les voit, tu sais, ils font carrément des excursions pour monter à pied, mais ils sont filmés tout le long par un hélicoptère. Donc, le poids environnemental du film est dur à... Ouais. C'est ça, si tu veux chialer contre quelque chose, il faut que tu sois béton et qu'on puisse rien dire contre toi, là, parce que ça vient... C'est ça, donc il y a eu beaucoup de critiques à ce niveau-là, puis étant donné que le film a été fait pendant 2 ans, ils ont eu le temps un peu de s'ajuster, puis dans le film, il y a un segment, dans le fond, où ils parlent de ça, où ils parlent des critiques contre leur film. Ah ouais. Ils ont eu le temps de s'ajuster avec les premières critiques puis d'en parler dans le film. Donc, là, ils disent, bon, c'est sûr qu'on pourrait ne pas rien faire, rester chez nous, puis ne jamais utiliser l'avion puis l'hélicoptère. On pourrait ne pas faire de film et jamais parler pour cette cause-là. Et non, mais tu sais, c'est parce qu'il y a de la cause en tant que telle, tu sais, je veux dire... L'avion, il aurait décollé quand même, tu sais... C'est ça leur point. Donc, il y a eu un genre de mini-controverse autour de ça, mais si vous oubliez ça, là, si vous oubliez, mettons, le fait qu'ils ont essayé de faire un film sans aucun... avec un équilibre zéro là, de CO2, ça, en tout cas, bref, leur concept est pas trop clair, là. Mais si vous oubliez ce côté-là, donc c'est vraiment un très, très beau film. Mais ne serait-ce que pour l'esthétique là, du film, c'est vraiment pas un film qui a été fait là, par des ados là, qui se sont filmés avec leur cellulaire là, sur une pente de ski. Ça a une esthétique très, très, très particulière. Ouais. C'est vraiment très beau. Puis je vous ai présenté d'ailleurs un extrait. Je vous envoie un petit extrait. Là. C'est la partie... ils appellent le street segment. C'est une partie qui est faite par JP Auclair. Et c'est la partie qui ouvre le chapitre imagination, parce qu'il y a plusieurs chapitres au travers du film là, pour illustrer différentes parties de leur sport et de leur film, là, bref. Et vous irez voir cette partie-là. Je sais que c'est un film qui a quand même beaucoup, beaucoup de clics là, sur différents sites, là, sur YouTube, Vimeo, tout ça. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont vu. C'est un petit clip là, qui est très, très populaire. Et c'est surtout un clip sur lequel il y a une pièce absolument hallucinante. C'est la pièce « Dance Yourself Clean » de CD Sound System. Qui date quand même là, d'une couple d'années, qui date de début 2010. Donc, c'est pas une nouvelle pièce, mais la pièce est vraiment très bonne et surtout tellement bien intégrée dans le film. Il faut absolument que vous voyez ce petit extrait-là du film. Ça va vous donner le goût d'aller voir le... Ben, ou du moins là, d'essayer de trouver le film en lichen, parce que c'est ça, je peux pas vous garantir qu'il va être présenté à Trois-Rivières au Benz Mountain Film Festival, parce que c'est ça, c'est eux qui choisissent la programmation. Mais quand même, je vous invite à être attentif à ça. Ça va être le 31 janvier prochain, donc qui va passer à Trois-Rivières. Et généralement, là, je sais, dans les années passées, c'était à la salle J.-Anthony Thompson. Je sais pas pour cette année parce que les détails sont pas encore sortis, mais j'ai jeté un petit coup d'œil à ça. Parfait. Le lien pour la vidéo est sur assemblagerequis.com et sur notre page Facebook. Et ça commence très bien avec les oiseaux, pour vrai. Je trouve ça beau. Ben oui. Je suis en train de le regarder présentement. Là. Ouais, on dirait bien. D'accord. Et on va entendre la pièce de LCD Sound System à la toute fin du bloc tout à l'heure. Oui, d'accord. Et puis juste avant de vous quitter, je vous parle d'une petite découverte que j'ai faite d'une façon un peu bizarre cette semaine. Vous savez, ici à Medicinat, il n'y a pas souvent de bons spectacles qui passent en ville ici. Et en fait, je me suis rendu compte cette semaine que le problème, c'est peut-être pas que les spectacles venaient pas ici, mais plutôt que la promotion était vraiment mal faite, vraiment déficiente, parce que j'ai réalisé cette semaine, en voyant un poster dans le centre-ville ici, qui était, je crois, le seul poster, la seule affiche pour parler de ce spectacle-là. Probablement le seul endroit qui parlait de ce spectacle-là dans toute la ville. Il y avait un poster, je pense. Ils l'ont mis à l'endroit optimal. Ils se sont dit, à cette place-là, je pense qu'il va marcher. En fait, c'est même dans un coin du centre-ville. Parce que le centre-ville ici, en fait, est mort, là, comme le centre-ville fantôme. Le mettre dans le centre-ville. Donc. C'est juste une rue ou c'est... Non? Est-ce que c'est plus grand que Trois-Rivières? Il y a deux, trois rues, là, ça... Il y a deux, trois rues, mais c'est surtout que c'est des locaux vides à louer, à vendre, un après l'autre. Avec des fenêtres placardées presque. Là. C'est vraiment, c'est comme le Far West. C'est comme le carrefour de Trois-Rivières, ouais, ça. Ouais, ça à peu près. Donc, c'est ça, j'ai vu ce poster-là, mais le spectacle était passé depuis déjà 10 jours environ. Donc, je l'ai raté, mais solidement. Et c'est un spectacle de Adam and the Amethyst que je connaissais pas, qui est un groupe qui, en fait, vient de Montréal. Adam Wito, le leader du groupe, lui, vient de Thunder Bay, en Ontario, donc vraiment très, très au nord et à l'ouest de l'Ontario. Et puis, il a déménagé en 2003 à Montréal. Il a parti son band, là, sur un trio, en fait. Et donc, c'est ça. Puis, ils viennent de Montréal, ils ne sont pas très connus. Il n'y a pas beaucoup de publications à leur sujet, mais ils ont quand même un album complet qui s'appelle Flickering Flashlight, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, en 2011, le 4 octobre 2011. Donc, c'est un peu la tournée. On fait un genre de tournée très homemade là, pour le lancement de cet album-là. Mais homemade, mais quand même, ils ont fait le tour du Canada. Tu sais, donc, c'est quand même quelque chose. Puis, c'est ça. Donc, j'ai raté leur spectacle à la Maison des Jeunes de Redcliffe. Mais j'ai quand même... Maison des Jeunes? Comment? Excuse-moi, à la Maison des Jeunes? Oui, c'est ça. C'était une tournée avec des petites salles. Ils faisaient des tournées de spectacles dans la Maison des Jeunes. Et c'est ça, en plus, ils sont même pas venus à Medicine Hat en tant que tel. Ils sont venus à Redcliffe, là, qui est comme un peu la banlieue de Medicine Hat. Donc, c'est un peu comme le point du lac, là, j'imagine, de Trois-Rivières. Nos comparaisons sont excellentes aujourd'hui, je trouve. Oui, c'est ça. C'est ça. J'ai raté le spectacle, mais j'ai découvert un très bon artiste et je vous suggère d'aller écouter la pièce Stupid Ocean. On va faire Adam and the Amethyst. Ouais. C'est Amethyst, c'est les petites pierres mauves, ça? Ouais, c'est ça. C'est un quartz mauve, selon Wikipédia. Wow! C'est beau. Donc, on va entendre ça avec la pièce, comme tu disais, Stupid Ocean. Et puis, on se retrouve en janvier, Kiwan. Oui! À l'année prochaine. À la prochaine fois. Hey, c'est écœurant ton vidéo, pour vrai. Le gars est complètement fou dans la tête. Oui, puis la réalisation aussi, hein, le traitement de l'image. Là, c'est hallucinant. Là. Les gars ont mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, je pense. Ouais. Faire ça, c'est wow. Allez voir ça, c'est sur la page d'Assemblage Rocky. Je l'ai moi aussi sous les yeux présentement. Bon, ben, Caroline, hein. Une chance que je suis là pour avoir fait ça. Hein? Bravo, Mathieu. Bravo. Puis on s'en va pendant les fêtes, puis c'est ça. Puis joyeuses fêtes, puis etc. Que de bonheur et de santé et de prospérité. Non? C'est ça, puis dans vos études. Oui, c'est ça. Un bon appétit aussi. Hein. Bon appétit. Ah, on n'est pas inquiet pour toi. Ah, hein? C'est Noël, gros buffet, pas de famille là-bas, toi, à Medicine Hat, hein? C'est. Non, c'est ça, mais je serai pas ici. Ça va t'emmener dans la famille ici, après. Je me tiens toujours où les plus gros buffets. Tu ne fais qu'aider François en disant ça. Adam and the MSS, merci beaucoup, Kiwan. Merci, Kiwan. Hey, salut les gars, à bientôt. Bye. Bye bye. It's too. Sometimes friends are mean. Present company, expect it. Present company, just laugh it off. It's better than it seems. Present company, excluded in every way. Present company. We want to stay.

Par la suite, chez Activision, il a travaillé sur Spider-Man 3 pour ensuite devenir s'occuper de différents volets de la franchise Guitar Hero sur la Wii et sur la DS. C'est à ce moment-là qu'il est devenu producteur. Il a ensuite été transféré sur la franchise naissante DJ Hero. Et depuis janvier 2011, il travaillait chez Nexon America, créateur de jeux sociaux et portables. Voilà, donc, allez voir le reste de la nouvelle sur assemblagerequis.com. Merci Mathieu. Ça fait plaisir. Je vous ai laissé quelques petits liens rapides sur assemblagerequis.com avec les meilleurs jeux de 2011 et les pires jeux de 2011 selon plusieurs experts. C'est quoi le pire, pire, pire? C'est par catégorie. Donc, on parle de Duke Nukem Forever sur PC, Xbox 360 et PS3. Il y a X-Men Destiny, Rise of Nightmares, Asphalt 3D et Dungeons & Dragons Daggerdale. Il y a tout plein d'autres jeux aussi qui ont reçu des mentions spéciales. Ça doit être vraiment le fun de recevoir une mention spéciale ouais, pour ça. Ça doit, ouais, ça doit. Et côté meilleur jeu, en gros, le Batman Arkham City, Gears of War 3, Deus Ex, Human Revolution, Torchlight, Bastion, Outland et un paquet d'autres, dont Limbo. Je t'avais montré Limbo à un moment donné, c'est l'affaire genre en noir et blanc. Là. Ouais. Si je voulais avancer. Ouais, c'est ouais. Pas la fin. Allez voir la liste au complet sur assemblagerequis.com. Voilà. On n'écoute pas de chiptune aujourd'hui, malheureusement, oh! François. Oh, triste, triste, triste. Quelle belle journée. Ah, ouais, c'est ça. On va prendre une petite pause, par contre, et puis on va se revenir avec Xavier Antoir et sa chronique Tais-toi et cuisine. Reste avec nous sur C'est fou. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Deuxième heure d'Assemblage requis en ce lundi 19 décembre 2011. François-Louis Marchand est là. Mathieu Plante aussi. Oui, on reçoit Xavier Antoir avec sa chronique Tais-toi et cuisine dans quelques secondes à peine. Moi, j'ai déjà hâte. Même si François a pas mis son chocolat chaud, il est tout déçu de pas avoir de thé, je pense. Ouais, je pense aussi. Et j'essaie de me rattraper. Tu gâches sa vie, là! Tu gâches ma vie. Tu gâches ma fin d'année. J'ai l'habitude de gâcher les bons moments de certaines personnes. C'est pas taché? Non, c'est non, gâché. Pas taché, okay, non. Voici Tais-toi et cuisine. Salut! Ah, oh, j'ai trop au backing vocals aujourd'hui. Allô, oui. Les enfants! Salut! Comment ça bien? Va? Ça va très bien, vous deux. Oui! Ça va bien, ça va bien. Très bien, dernière semaine de l'année, même pour nous autres. Donc, oui. Comme tout le monde, on a des comptes 4 jours vers quelque chose. Est-ce que t'as un 4 jours vers quelque chose, toi? Ouais. Ouais. Ouais. Sans trop de détails. Hein? Non, mais je m'en vais passer les fêtes de fin d'année, enfin plus spécialement Noël dans les hauteurs, puis ça va être vraiment le fun. Ah oui! Dans le coin de mon tremblant, mon laurier. Oh, ouais, t'es sérieux, toi? Ouais. Oh, boy. Est-ce que tu vas encore faire du ski cette année, toi, non? Ouais. Ouais? Ouais. Wow. Ça va être l'occasion de te revenir. Ah, mais pas là, là. Ok. Ben, une fois que t'as fini, là? Non. Non. Un peu plus tard, genre. Janvier. Voilà, c'est ça. Avant de revenir, avant le début des cours. Non. 19, 20, 21, 22. Puis pour les vacances, il revient, il repart en vacances, c'est ça? Super. Ça va, ouais. Ok. Ça va être l'occasion de te ramener à Délices des Pentes pour glisser sur les pentes. Oui. Ils sont bons, en plus, ceux-là, les traînes sauvages, puis pentes, je sais pas quoi. Oui, la collection hiver. Ils sont très, très bons. Donc, de quoi on parle aujourd'hui pour ta dernière chronique de l'année? Figure-toi que moi-même, je suis en train de me demander, mais... Ça commence très bien. Mais en fin de compte, je vais vous parler un petit peu de toutes les bonnes choses qu'on a eues hier soir à manger pour notre souper de staff. Parce qu'on a eu notre souper de staff hier soir. Pour David Stee. Oui, exactement. Puis dans le fond, moi j'ai refait exactement le même dessert que j'avais fait, dans le fond, pour vous la semaine dernière. Mm-hmm. Ok. À savoir le petit dessert aux biscuits et à la compote et aux fruits. Ah, merde. Avec le biscuit, infusé, mais trempé dans du thé, joyeux lutin. J'ai refait la même chose avec notre secret du Père Noël. Mmh. Donc, avec une crème fouettée totalement nature sur le dessus. Et à l'intérieur, j'ai fait une mousse au chocolat. Une mousse au chocolat que j'ai légèrement agrémentée de l'absinthe souchong. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'était le thé noir fumé que j'avais utilisé pour la sauce au saumon. Ok, oui, saumon. Donc, ça donne vraiment beaucoup plus de punch, dans le fond, à la mousse au chocolat. Donc, autant ça donne de la puissance, autant ça lui donne un léger côté, genre le chocolat a légèrement brûlé pendant que ça fondait. Parce que la Tong Tchong a déjà un goût vraiment fumé. Donc, on a l'impression que ça aurait brûlé pendant que ça fondait. Ouais, c'est ça, mais c'est voulu. Ouais, c'est voulu. Donc, ça a vraiment donné beaucoup de puissance au chocolat. C'est comme si ça avait été du chocolat, genre, vraiment pur, genre du 85-90% de cacao. Donc, c'est vraiment comme du chocolat à la pure. C'était vraiment génial. Avec pas beaucoup de sucre, parce que j'aime pas mettre ça trop de sucre dans les mousses au chocolat. Et à l'intérieur, j'ai rajouté des morceaux de poire. Et j'ai vraiment pris des poires, des poires fraîches. Là. J'espère. Pas des boîtes de poires. Non. Sois pas vulgaire avec tes conserves. Non, j'aime pas ça, les conserves. Et pour aller encore plus loin, j'ai fouetté encore une fois moi-même ma crème fouettée hier soir. Donc, on s'est fait notre échange de cadeaux. J'ai fait, OK, est-ce qu'on peut se charger de mes cadeaux pour commencer? Donc, une fois que j'ai reçu mon cadeau de l'échange de cadeaux, j'ai fouetté ma crème. Et puis, ça a été vraiment génial. Parce que ton cadeau, c'était une affaire pour fouetter? C'est quoi? Non. Ton cadeau, c'était de fouetter? Ouais. Non. Non, dans le fond, on s'est fait un échange. Dans le fond, moi, j'avais demandé comme vraiment plein d'accessoires pour la cuisine. Oui. C'est-à-dire des bols à mélange, un fouet souple, des spatules. Un fouet souple. Tu sais, un fouet, au lieu d'avoir les trucs en métal, ouais, c'est presque du silicone. Okay. Ah oui. Donc, c'est-à-dire, quand tu fouettes ça, ça va vraiment épouser la forme de ton bol, vraiment pour racler tout autour du bol. Oh. Quand tu cuisines avec beaucoup de pâtes, etc., c'est vraiment l'idéal. Ça a du sens. Oui. Peut-être pas pour les liquides, mais pour les pâtes, c'est vraiment génial. Fondant. Et après, ben justement, j'ai utilisé ma toute nouvelle spatule. Une spatule en silicone. On aime ça, le silicone. Pas partout, le silicone. Pas partout. Non. Et c'est ça. Donc, pour appliquer ma crème fouettée. Et notre gérante, Mélanie, avait préparé son gâteau fondant brownie chocolat. Avec une sauce aux douceurs de Noël. Elle nous en a pas amené? Non. On n'en a pas. On goûte pas à ça, nous autres. Est-ce que tu vois une femme à côté de toi, François? Ah non. Il y a eu comme une seconde d'hésitation en regardant Mathieu. Je suis comme, qu'est-ce qu'il va dire? Il y a ton fond d'écran, je pense qu'il y a peut-être une dame. Non, même pas. Non. Non? Puis c'est ça, dans le fond, c'était vraiment... On s'était presque entendu, mais tacitement, de cuisiner avec l'été de la collection de Noël. Puis on a eu presque tous un gros sugar rush hier soir. Ça doit, c'était hein. Un sugar rush? À cause du sucre, tu devais s'exciter. Surtout comme moi, dans le gâteau que vous avez fait la semaine dernière, j'avais fait un mélange de compote, canneberge et ananas, dans le fond. Moi, j'ai fait fondre du chocolat pur. J'ai mis dans le fond, donc ça faisait une couche épaisse de même. Wow. De chocolat. Pour couper ça, bonjour. Bonjour. Mais c'est tellement bon. Faut casser le gâteau. Vraiment. Casse-moi une tranche de gâteau. Et honnêtement, c'était un super beau souper. Hey, tu me fais penser, j'ai ton assiette. J'arrive à te faire penser? Ouais, mais j'ai. En fait, dans ton auto pour le garder au frais? C'est ça, mais en même temps, j'ai dit j'ai ton assiette, mais je voulais dire j'ai pas ton assiette, mais je vais l'avoir cette semaine. Ok. Hein? Ah, ça veut dire qu'il va falloir que je m'oblige à repasser. Ouais. Comme j'étais censé passer, c'était quand ça, jeudi, que je t'ai dit que je passerais et que finalement je suis pas passé? Non, c'est ça. Je pense que ça a pris comme 3 semaines que tu retrouves ton assiette de je me rappelle plus quelle recette. Mais c'est pas grave, mais au moins elle va être propre là, celle-là, hein, c'est ça? François, tu l'as amené chez toi pour la laver, hein, c'est ça? Ah, c'est ça. C'est ça. Ok. Ben, je repasserai avant les fêtes. Au pire, François, tu peux passer le voir. Ah, ouais, sûrement. Ben, il va falloir un jour que je passe aux rivières, là, j'imagine. Oui. Ouais, des fois, t'as pas le choix. Surtout pendant les fêtes, c'est tellement la meilleure période pour aller magasiner, hein. Ouais, ça me fait surtout dans les 5 derniers jours. Ouais, ça me fait capoter, j'ai le goût de pousser tout le monde. Ouais, c'est ça, c'est comme sérieux. Tasse-toi. Ouais. Ben, je pense que t'es pas le seul à penser comme ça parce que je me suis fait rentrer dedans par deux petites madames au Dollarama hier soir. Non, mais c'est ça. Mais, tu sais, il y a vraiment pas de discrimination, non, là. Vieille madame, petite madame, grosse madame, j'ai le goût de te pousser. Des fois, c'est des petites grosses vieilles aussi. Mais là, c'est pas mieux. Même de très jolies madames, j'ai le goût de les pousser. Ouais, ça dépend, tu veux les pousser où, les jolies madames? Non, mais tout par en avant. Tout par en avant. Ouais, tout par en avant. Ah, oh, dépose tout par en avant. Parfait. Mais toi, au moins, t'es dans une boutique, donc on peut aller te voir et il y a quand même relativement de la place physique dans le magasin. Oui, c'est ça. Justement, ben, on a entendu hier que, dans le fond, dans certains magasins, il y a vraiment des files d'attente vraiment qui vont jusqu'à l'extérieur des boutiques. Incroyable. Et c'est ce que j'aime dire. L'avantage à Trois-Rivières, c'est que tu fais pas une grosse file, tu attends pas à l'extérieur, genre, au moins, pour pouvoir rentrer. C'est quand même le fun. Que tu arrives, on t'accueille déjà directement, t'as pas beaucoup d'attente et tu as vraiment de la place pour circuler dans le magasin. Continue à regarder. Et en parlant de circuler dans un magasin, puis regarder. Et acheter. Oui, acheter, bien sûr. On aime ça acheter. Surtout. Je voulais savoir, vous, en sondage, est-ce que vous êtes plus voyage ou plus bureau? Bureau ou voyage? Mmh. Voyage de bureau, peut-être? Mais... Hein? Quand tu veux greffer des ailes à ton bureau? Ah, j'avoue, un petit bureau avec un volant. On pourra installer un système de pilote automatique dedans. Parlé, hein? Ouais, je sais pas pourquoi tu me demandes cette question-là. J'ai de la misère à répondre. J'ai jamais vraiment voyagé. Alors, choisissez. L'un de vous choisit voyage, l'autre choisit bureau. Oui, voyage. Okay. Voyage. Bureau pour moi. Voyage. OK, cool. C'est exactement ce que j'avais prévu en plus. Bon. Il nous connaît bien, je pense. Hein? C'est quoi? Pourquoi j'avais prévu justement bureau pour toi, Mathieu? C'était à cause... Le temps que je sorte... Mathieu est plus geek. Ouais, c'est ça. À cause de ça, regarde le motif dessus. Oh, wow, il y a du Space Invaders! Go. Joyeux Noël. Non, pas pour vrai, là. Ouais, t'es pas sérieux. Mais non. Est-ce que j'ai l'air de niaiser? Ben là, franchement. Wow. Ben là, merci. Wow. Donc là, ça va vous permettre d'avoir... Sérieux, t'es fin de même? Hey, premier cadeau, non? Est-ce que j'ai l'air de niaiser? Non. François, tu as la tasse de voyage de David. Vraiment, la tasse de voyage qui, dans le fond, avec l'infuseur intégré, tu as juste à mettre de l'eau chaude. Tu mets ton thé à l'intérieur, tu attends que ça infuse. Et comme les cafetières italiennes, blablabla. Tu sais, les cafetières que, dans le fond, tu mets ton café et ton eau, tu attends que ton café soit prêt. Et après, tu appuies vers le fond. Bah, tu fais la même chose. Dans le fond, tu as un petit compartiment. Dans le fond, c'est une petite boîte. Tu peux mettre des... Exactement, tu te mets des petites recharges, tu te mets une quantité de thé ou de n'importe quoi d'autre. Si au moment où tu veux te faire du café, tu as le droit aussi puisque ça marche pour les deux. Pensez les douanes, là, tu sais, tu peux... Ah, la Ben oui, c'est du thé. C'est bizarre, ça serait bizarre ton thé. Puis toi, Mathieu, ben, la tasse parfaite. Oui, elle a l'air assez parfaite en la regardant. Et surtout, c'est vrai. Waouh, sérieux. Justement, j'ai vraiment pensé à toi en voyant le motif. Je suis arrivé, je suis comme... Ok, un cadeau pour Mathieu et François. Je suis comme, oh, ça, c'est Mathieu en plein. Je prends ça pour Mathieu. Ben, donc, merci. Ouais, donc, maintenant, vous pourrez. Ben, François, je pense que ça va t'inciter à prendre un peu plus de thé maintenant. Oh, là, c'est ça, exactement. Ah, inciter, t'as dit inciter. Oui, inciter. Wow. Puis, toi, ça va juste te conforter. Oh, wow. Dans l'idée de prendre un peu plus de thé. Donc, voilà. C'était mon petit cadeau de Noël pour vous remercier de la très belle saison que j'ai passée avec vous. Puis c'est plus nous autres qui auraient dû te faire un cadeau. C'est ça, vraiment. Ah, ben vous pourrez me faire un cadeau quand j'arriverai la saison prochaine. D'accord. On va essayer. Je vais réfléchir dans le fond à l'entre-saison pour savoir qu'est-ce que je vais vous faire pour la saison prochaine. Oui, parce que là, on peut le confirmer. Donc, tu vas être de retour la saison prochaine. C'est ce que ça veut dire? À ce moment-là, on voulait encore de moi. On veut tout le temps de toi. Ah, vous ben, avant le cadeau, je t'aurais dit non. Mais là, c'est marrant. Ah, moi, j'ai pas besoin d'être acheté. Je suis déjà convaincu d'avance. Hein. Ça veut dire que François, il est comme OK, je suis pas sûr de l'avoir la saison prochaine. On va encore parler de poche sans arrêt. Oui, sans arrêt. Ben, c'est les meilleurs moments de la semaine, ça, parler de poche, voyons. D'accord. Ben, en gros, tu vas faire un découpage de tous les moments où on a dit poche. Ça aurait été le fun. Genre, pour voir de combien de minutes de poche il y a eu dans toute la saison. Il y en a eu une poche, en tout cas. Une poche de jeu. Une pochetée. Oh, encore mieux, j'aime ça. Puis, je sais pas, je commence à avoir des petites idées concernant la saison prochaine. Mm-hmm. Je vais m'inspirer un petit peu du travail de certaines personnes pour travailler sur les accords de thé et de repas, de desserts, de fruits, d'autres petites choses quand même. Donc, c'est ça. Genre, j'ai le goût d'une petite collation, j'ai envie de manger ça. Alors, quel thé je peux prendre avec ça en même temps? Ah, j'avoue. Attendre un thé. Oui. Ça dépend si tu es en début de journée, en fin de journée, en milieu de journée. Mm. Mais ça dépend si tu es en fin de journée, que j'ai de l'étude à faire aussi. Et il faut quand même que le goût de ta bartendre ressorte un minimum aussi avec le goût du thé. Il ne faut pas que le thé soit comme « Oh mon Dieu, je prends toute la place ». Ou encore, c'est comme « Je mange de la bartendre » puis comme « Oh, le thé, ça ne goûte pas ». Il faudrait que les deux soient au même niveau. Et voilà. Exactement, et voilà. Comme on mange de la viande rouge et qu'on évite de prendre un vin blanc beaucoup trop sucré et en plus que tu vas sentir toute la viande et rien du truc et que tu remanges de la viande après et que tu sens que le sucre du vin. Ben c'est ça, les gens pensent pas à ça. Les gens pensent que ça, c'est des niaiseries, les affaires d'accord. Mais non, quand tu y penses, quand tu le laissais, tu te rends compte que ça va beaucoup mieux avec quand exactement, tu accordes les parce choses. Que ça met les deux en valeur. C'est pas mauvais de pas l'accorder. Je veux dire, tu vas pas trouver ton affaire que tu manges ou que tu bois dégueulasse. Non plus. Ouais, c'est ça. Mais ce sera pas aussi bon que si t'avais optimisé l'accord. Exactement. Voilà. On aime ça tout accorder. Oui. Accorter marche pas non plus. Non, y a pas de jeu de mots à faire. Là. Non. On essaie. Donc, c'est tout, Xavier. Oui, pour aujourd'hui, c'est tout. Oui. Merci. Merci. Aujourd'hui, j'ai vraiment pris les 15 minutes que je suis censé avoir dans ma chronique. Voilà. Donc, mes 15 minutes aujourd'hui. Ouais, on va passer tout de suite en musique pour essayer de ne pas faire entrer Nicolas pour qu'il ne prenne pas 45 minutes. C'est pas vrai. Des blagues. Ben, je sais pas, est-ce que la fin de semaine a été chargée en sport ou pas? En sport, oui, quand même. Je pense que ça ne pas. Il s'est passé beaucoup de choses. Okay. Il s'est passé beaucoup de choses. Je l'entends crier. Non, il est pas là. Ben, c'était une blague aussi. Oh, ça aurait été le fun s'il était là. On aurait pu le faire pénétrer. Oh! Là, tu peux le faire pénétrer quand tu veux. Ça. Ben oui. Quand Nicolas, il est là, puis il pénètre. Ben, il est pas encore là. S'il avait entendu de loin, il serait arrivé à la course. Mais... Probablement. Bon. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Merci beaucoup. Joyeuse fête. Vous n'avez même pas amoureux à me remercier. On se voit à l'année prochaine. Oui, à l'année prochaine. Joyeux solstice d'hiver. Bon mois de décembre. Puis janvier, moi ça. Ben, moi, joyeux janvier. Dany, quoi? Dany Janvier. Un nom en l'honneur de Dany Janvier, je pensais pas. Un nom? Le mois a été dédié oui. à Dany. C'était juste pour lui. C'est ça. Tout le mois de janvier, c'est pour Dany. Ouais. Il a sûrement jamais entendu ça, d'ailleurs. Non, hein. On doit être les premiers. Je lui dirai tantôt. Ah ouais? Je sortirai du studio, je passerai lui dire. Ok, il va être surpris. On vient de créer un très long moment inconfortable, j'aime ça. On n'a jamais vraiment créé de moment inconfortable avec toi. Hein? Ça a toujours été... Non, avec moi, il n'y a comme rien d'inconfortable. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. Ça a toujours été confortable quand même. Il est toujours très confortable, ce gars-là. Tout à fait. Ouais. C'est comme moi, je prends tout, je remodèle et puis je vous le renvoie. Et là, c'est vous qui êtes inconfortable, généralement. Je suis démoniaque. Comme maintenant. Il y a comme une pire. Il y a eu pire que ça. Oh oui, ben oui. Tabarou, si tu savais. Hey, souvenir, hein? Ah, le premier moment de poche aussi, je me rappelle. C'est là qu'on aurait pu mettre l'extrait de ça, de oui. faire jouer si on avait été vraiment technologique. Oui, c'est ça. Hey, c'est moi, je t'avais dit un peu plus tôt, comme, ok, prépare un petit mélange des meilleurs moments. Genre, je me rappelle encore la première chronique où tu as dit « Ah, je vais mettre en avant d'un magasin portant un nom et puis je vais être déguisé en théière et je dirai « Tenez-moi la poche ». C'est moi qui ai dit ça? Oui. Ah ouais. Tu iras regarder sur le site d'Assemblage Requis, tu iras écouter la première chronique que j'ai faite. Ok, noté. Noté? Noté? Non, c'était le dernier, je pense. Ça va aller. Je pense que les gens ont compris le principe de la blague. Merci, Xavier. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Bonne année. Vous aussi, passez de joyeuses fêtes. Puis pas trop d'abus. Puis Nez Rouge est là pour vous, comme d'habitude. Oui, mais le thé, on peut en abuser, c'est quel fun. Oui, mais n'oubliez pas que vous pouvez rajouter de l'alcool dans le thé aussi, c'est fois. Oh! Ah, ça, tu vois, je ne savais pas. Moi non plus. Tu peux faire un thé à la course, comme ils font des cafés à la course à la chasse. Ouais. Oui. Miam, miam, miam. On écoute Propofol et la pièce Fibre optique. 89 FM, Assemblage Requis. Merci encore. On s'en va au parc. J'ai la couverte, puis mon carnet. Prends une bouteille, puis une pomme chaque. Viens-t'en, on s'en va au parc. Benoît Rochelot et Vient-en, Assemblage requis, exprès pour Xavier. Merci encore, hein? Oui, bon choix. C'est sur le palmarès francophone de C'est fou. Donc, il nous reste encore 35 minutes à l'émission. Nicolas Duchamp s'en vient tantôt avec sa chronique sportive. Oui, ben sportive. Oui. Sportive. Mais pour l'instant, on écoute une pièce de The Bar Brothers. C'est du côté anglophone du palmarès. Voici Give the Devil Back His Heart. 89 FM, c'est fou dans vos oreilles. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89. Oh. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. François Olivier, Mathieu Plante, assemblage requis en pièces détachées. Toujours assemblage requis, l'émission qui construit votre journée à partir de matériaux de qualité. Hein? Lui, c'est un beau matériau de qualité. Ah ouais. Je l'ai vu hier à la télévision. Tu l'as vu à la TV? Oui. Nicolas Ducharme, qui est journaliste pour le journal L'Écho de Trois-Rivières. Oui. Et puis, je t'ai vu dans votre publicité où vous annoncez là, de joyeuses fêtes. Bon, on vous souhaite joyeux Noël à tous. C'est senti. Hey, joyeux Noël. Et d'ailleurs, je vous le souhaite immédiatement, messieurs, joyeux temps des fêtes. Merci. Alors qu'on est dans le thème, il neige le matin en plus. Ben, c'est le fun. C'est beau, hein. Finalement, bon, ça va refondre probablement, mais finalement, on a un petit peu de neige. Joyeux temps des fêtes, c'est la dernière avant Noël, la dernière fois qu'on discute ensemble. Joyeux Noël aux amateurs, aux auditeurs de C'est fou aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Hey, mais juste pour finir ma parenthèse, c'est ça, je t'ai vu hier à la télévision. Et en plus, j'ai eu la chance de te voir en HD. Et puis, non. Ma grosse face en HD. Ah, c'est ça, exactement. Et t'es plus beau en HD qu'en vrai. Bon, on voit bien ma face, que ça fonctionne. Ouais, je l'ai même pas vu, moi. Ouais. On te reconnaît un mille à la ronde. C'est l'équipe. T'éclipses les autres. C'est l'équipe au complet, c'est la photo qu'on a prise. Mais en fait, je pense que vous êtes quoi, à 5-6? Peut-être que c'est une autre photo. On a pris une photo d'équipe dernièrement, donc on était, l'équipe de l'Écho, l'équipe de TVA Trois-Rivières, on parle. Non, c'était vraiment votre petite équipe, puis je pense qu'il y avait peut-être l'équipe de Shawi aussi, mais tu sais, quand je t'ai vu, j'ai tout oublié. C'est comme une éclipse, on regarde pas ça trop longtemps. Est-ce qu'on parle de sport? Ben, on y va. Est-ce qu'on y va avec une intro générique? Vas-y. Bon matin, messieurs. Bon matin. Question de commencer ma chronique comme je la commence tout le temps. C'est un bon matin, je vais être en des fêtes, comme je disais. Trois-Rivières, lui, bon matin, Trois-Rivières. Bon matin, Trois-Rivières. Ouais, à l'époque, c'était le bon matin tout le monde, bon matin, Trois-Rivières. Et voilà, là, je te reconnais. À l'époque de mes 3 ans d'émission sur C'est fou. Oui. Hey, monsieur, devinez de quoi on parle ce matin. De hockey, oui, mais... Patrick Roy? Patrick Roy. Hey, il a fait attention, hein, il a pas dit Patrick Roy. Oui, très important, il n'y a pas de E tantôt. Dans Patrick Roy. Non, mais Jacques Martin, Jacques Martin ce matin. Jacques, non, il n'y a pas de Jacques Martin. C'est lui, ça finit au moins par un E, lui. Non, mais il y a S. Bon. Jacques Martin. Ça passe un peu mieux que Patrick Roy. Voilà. Alors, on parle du congédiement de Jacques Martin, bien sûr, qui est tombé samedi matin. J'étais au lit. Qu'est-ce que tu faisais là? Je dormais, il était quoi, 9h30 environ? Cellulaire sonne une fois, cellulaire vibre plutôt deux fois, trois fois, je dis oh boy, il y a de quoi qui se passe. Après le cellulaire, regarde ça, ok, on va se lever, on va aller écouter la TV. Jean-Martin qui était congédié après 2 ans et pas et demi, mais ouais, 2 ans et demi environ là, de travail avec le Canadien de Montréal. Encore une fois, c'est la fameuse date d'expiration de tous les entraîneurs du Canadien. On parle de Mario Tremblay, on parle d'Alain Vigneault, on parle de Claude Julien, on parle de Michel Therrien, on parle de Jacques Martin. Tous ces entraîneurs-là n'ont pas réussi à passer la 3e année avec le Canadien de Montréal. Ouais, c'est normal, ça gagne pas. Mais en même temps, c'est un signe quand même, c'est assez révélateur. Dans le cas de Martin, bon... C'est quoi le signal qui est envoyé? C'est un signe qu'après 2 ans, on n'a plus de patience et on ne laisse pas le temps aux choses de peut-être s'arranger par eux-mêmes. Ouais, mais si tu gagnes vraiment... Si tu gagnes pas... Écoute, info. Je t'écoute, Nicolas. Je vais te dire la chose suivante. Vas-y. Qui étaient les 2 derniers entraîneurs à s'affronter dans la finale de la Coupe Stanley l'an dernier? T'as pas droit de... je sais pas. Alain Vigneault, Claude Julien. Ouais. Mais c'est parce que ici, tu sais, souvent on a parlé de rebâtir l'équipe, mais tu sais, c'est plus loin que le coach, là. Le coach peut pas tout faire, on s'entend là-dessus. C'est ça. Puis c'est ça, là, on dit, on rebâtit l'équipe, mais tu sais, on la rebâtit chaque fois à demi-mesure. Donc, en fait, en espérant toujours faire des séries à chaque année, c'est parce que. Mais c'est ça qui fonctionne pas dans. Puis en même temps. Je peux les comprendre aussi parce qu'à Montréal, t'as tellement plus de pression, mais du moins j'ai l'impression qu'ailleurs. dans la Ligue nationale. Impression avec pression, c'est un beau jeu de mots. Non, mais c'est ça, exactement. Et puis, si on fait pas les séries une année, ben, crime, c'est la mort, là. C'est la mort à Montréal, là. Ben, c'était le gros problème du Canadien dans les années 2000 et fin 90, début 2000, alors qu'on aurait dû tomber au fin fond des classements. S'il vous plaît, pour aller repêcher. On remplissait l'équipe de semi-mesure qui réussissait justement à faire finir l'équipe. Semi-mesure. Au septième, pas au septième, mais au dixième, onzième. 8e, oh, 7e une fois. On réussit à entrer par la porte, par la peau des fesses en séries éliminatoires. Mais en séries éliminatoires, on avait vu des belles choses. Combien de fois on a battu les Bruins? Je pense que c'est deux, trois fois on a battu les Bruins. On a failli aussi l'an dernier. On avait éliminé aussi l'année d'avant les Penguins, les Capitals. Mais c'est un peu le problème. Mais là, on remonte à très, très loin. C'est-à-dire une reconstruction qui s'est jamais entièrement faite. C'est ça, exactement. Du côté du Canadien. Par contre, cette saison... Mais ça, c'est pas le problème du coach. Ben, c'est le problème du coach dans le sens que c'est lui qui a à dealer avec ça. Ben, c'est ça, je m'en viens là-dessus lentement, mais sûrement. C'est surtout cette année, alors, si on analyse le passage de Jacques Martin à la tête du Canadien, on parle d'une fiche de 13 victoires, 12 défaites et 7 défaites en prolongation. Ce qui fait que, veux pas, on est en 12e position dans l'Est, mais à seulement 2 points de la 8e et même 7e position. Ce qui fait aussi, et c'est la statistique qui est la plus frappante du côté du Canadien de Montréal, 7 défaites en prolongation. Imaginez seulement la moitié de ces matchs-là qui auraient été des victoires. Prolongation, bien sûr, et fusillade. Donc, on parle d'une récolte de 3, peut-être 4 points de plus. À ce moment-là, ben, le Canadien de Montréal se retrouve au 7e rang et même se frotte avec les Devils du New Jersey au 6e rang. Ouais. OK? Oublie pas, là, beaucoup de blessures avec le Canadien de Montréal. On jouait avec une demi-équipe depuis le début d'année. Je sais, mais les autres années aussi, c'était comme ça. Non. Bon, quand même. Ce que je dis, c'est que dans la situation, avec le nombre de blessures, avec le nombre de gars qui sont éclopés, avec Scott Gomez qui bouffe 8 millions de la masse salariale, puis qui, ma foi, du bon Dieu, et... Ça, c'est ça, mais ça, c'est pas le problème du coach. Oui, c'est ça. Mais je te parle du coach présentement. Ben, Jacques Martin faisait son gros possible. Ah oui, je sais, je le comprends. J'aurais fait pareil, t'aurais fait pareil, tout le monde. Et je crois pas que Jacques Martin méritait d'être congédié. Certains me diront, le bon vieux, le message ne passe plus, le joueur ne voulait plus jouer. C'est facile. C'est une solution facile. C'est pas se casser la tête, et puis c'est se sauver. Pour M. Gauthier, c'est garder à l'emploi un peu plus longtemps. Ben, c'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est très plate. C'est vraiment ça, parce que du côté... Là on parle là, d'une direction qui, depuis l'arrivée de Bob Gainé, Pierre Gauthier comme assistant, ça reste la même direction à travers tout ça. Donc, on a passé à travers Claude Julien. On a passé à travers Jacques Martin maintenant. On a passé à travers... pas Michel Therrien, mais Guy Carbonneau. J'avais oublié Guy Carbonneau tantôt. Ouais, Tigui. Mes excuses, Tigui. Donc un autre entraîneur qui a pas duré plus de 3 ans, qui a duré moins de 3 ans, bien évidemment. Donc, on a passé à travers ça. Et va falloir réaliser qu'à un moment donné, le problème est peut-être plus haut. Le problème, c'est qu'on fournit des... Bon, il y a 8 millions d'amputés sur la masse salariale qu'on a donné contre Scott Gomez. Contre un cône. Et bon, il y a déjà eu une bonne saison. Mais ce gars-là est off depuis qu'il a gagné le trophée Calder. Depuis qu'il est avec les Devils du New Jersey, pour être franc, très off. Donc, on a nommé Randy Cunningworth à la place de Jacques Martin. Déjà un changement en plein milieu de saison. Ça vaut ce que ça vaut. J'aurais pensé qu'on aurait attendu jusqu'à la fin de l'année. Lui, il sort d'où? Lui, il sort des... Randy Cunningworth était l'assistant entraîneur du Canadien. Okay. Présentement. L'an dernier, il était avec les Bulldogs d'Hamilton. Okay? Pourquoi? Ouais. C'est du côté de Randy Cunningworth, c'est un entraîneur dans la même veine que Jacques Martin. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est de voir un gars comme Kirk Muller. Je sais que là, en fait, il est parti. Je vais en venir, parce que c'est le commentaire que j'ai entendu énormément en fin de semaine. J'aurais aimé voir Kirk Muller ou j'aurais aimé voir Guy Boucher. On avait Guy Boucher, on avait Kirk Muller. Wow, on arrête là. On arrête. Des fantasmes, la réalité, c'est deux choses. Des fois, c'est bon de les réaliser. Le Canadien est probablement la meilleure pépinière d'entraîneurs dans la Ligue nationale. C'est pas compliqué. Au nombre qu'ils ont mis dehors dans les dernières années, c'est sûr qu'il y en a d'autres qui se retrouvent ailleurs. Mais on regarde le nombre d'entraîneurs qui ont passé par le Canadien, qui sont rendus ailleurs dans la Ligue nationale. On peut remonter, là, il n'est plus entraîneur. Ou à RDS. Jusqu'à Jacques Lemieux. ou à RDS aussi. Mais du côté du Canadien, on peut remonter même jusqu'à Jacques Lemaire. Après ça, il y avait eu Pat Burns. Après ça, Mario Tremblay, finalement, il est revenu à RDS, mais il a été longtemps assistant entraîneur avec le Wild du Minnesota. ceux que je nommais tantôt, Michel Therrien est là. Carbonneau est rendu à RDS. Guy Carbonneau, le problème est ailleurs dans le cas de Guy Carbonneau. Guy Carbonneau n'est pas prêt à aller refaire ses classes dans sa tête. Guy Carbonneau croit qu'il est un bon entraîneur et Guy Carbonneau croit qu'il mérite d'être dans la Ligue nationale ou nulle part ailleurs. A été l'entraîneur des Saguenay de Chicoutimi l'an dernier. On a vu ce que ça a donné. Je pense qu'ils ont perdu leurs 10-15 derniers matchs. Là. C'était triste. Donc, Guy Carbonneau passera côté qualité d'entraîneur. Là. On a vu bien mieux. C'est pas un communicateur pour deux scènes. Puis surtout dans l'hockey junior, tu dois être un communicateur. Tu ouais, c'est ça. Les gars sont pas tout à fait formés. Ça l'est pas. Je pense que les Saguenayens sont beaucoup mieux outillés avec M. Hubert là, derrière le banc. Donc, excellente pépinière pour développer des entraîneurs. Et là, on parlait de Guy Boucher. Mais oui, mais on peut pas bloquer quelqu'un là, de monter. Là. On peut pas du côté du Canadien. C'est pas comme si le Canadien avait dit non, on veut pas. On laisse aller Guy Boucher au Lightning de Tampa Bay. Quand une équipe de la Ligue nationale fait une offre à un entraîneur, un assistant entraîneur de la Ligue nationale ou un entraîneur en chef dans la Ligue américaine, tu te dois de laisser le gars aller. C'est pas correct de le retenir. Et du côté du Canadien, ben c'est ce qu'on avait fait avec Guy Boucher à l'époque. C'est correct, mon grand. C'est comme t'es une mère poule, puis un moment donné, tu laisses aller ton enfant. Tu sais, c'est un peu comme ça qu'on pourrait voir ça. Du côté de Kirk Muller, ben Kirk voyait mal. Écoute. Jusqu'au début de l'année, Jacques-Martin était très en selle avec le Canadien. On était quand même passé. Et il était apprécié. Les gens chialaient pas trop. C'était correct. On critiquait beaucoup son manque d'émotion derrière le banc. Ouais, il y en a pas d'émotion, il y en a pas. Mais je crois pas que c'est. Ou devant les médias, mais je crois pas que c'est là que ça se décide une game de hockey. Sur la palette, puis sur la palette de dessin. Mais tu sais comme moi, Nicolas, que le hockey, c'est un show aussi. Et puis les gens aiment bien voir un gars comme. Je prends l'exemple, là, Patrick Roy, qui s'enflamme et lance des bâtons et puis se laisse aller. Ouais, mais je peux te dire. Les gens aiment ça. On en parlera de Patrick Roy, là, mais je crois pas que ça marcherait comme ça avec National. Non. Je suis pas à ce niveau-là, c'est ça, mais tu sais. Ce que fait Patrick Roy dans la Ligue junior majeure du Québec ne pourrait pas le faire dans la Ligue nationale. Soyons francs, là. Monter sur le banc, là. C'est quand la dernière fois qu'on a vu un coach monter sur le banc dans la Ligue nationale? Ah, mais je suis. Moi, mais je suis sûr qu'il le ferait. J'en doute fortement. J'en doute fortement, c'est une belle amende. Le monde aimerait ça, mais ce serait pas crédible. Ça enlèverait de la crédibilité. Ça enlèverait de la crédibilité. Ouais. Non, ça rajoute de la passion aux yeux du peuple. C'est pas très professionnel. On a vu des affaires qui étaient pas chics dans la Ligue. Oui, à l'époque. Plus maintenant. Plus maintenant. C'est parce que maintenant, quand tu montes sur le banc dans la Ligue nationale, puis tu te mets à gueuler, puis tu joues de la musique comme Patrick Roy peut faire dans la junior, les joueurs de la Ligue nationale vont te regarder. Tes propres joueurs vont faire bon, qu'est-ce qu'il fait là, lui. Surtout si c'est des joueurs, par exemple, de. Tout vétéran à Montréal qui est là depuis plus longtemps que Patrick Roy. Là. Déjà qu'il faut que tu fasses ta place. Ça envoie un message comme quoi que le gars a ça à cœur et puis que c'est. Alors que les autres prennent ça au sérieux, ça. Peut-être, non? Non, c'est sûr. Mais en même temps, s'il le fait aussi dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, tu sais, il va le faire. J'en doute pas. Mais non, parce que ça s'est vu à plusieurs reprises. Des entraîneurs qui faisaient les fous dans la Ligue de hockey junior majeur ou dans. Toute ligue de hockey junior, ligue américaine, arrivée dans la Ligue nationale, il faut remonter assez loin, merci, pour voir un entraîneur lancer un banc là, sur la. Non, c'est ça. Je pense que c'est Robbie Vtorek, je dis ça comme ça. Là. Non, mais se lever et puis engueuler l'arbitre longtemps. Ouais, démontrer un peu plus d'émotion, ça, je suis d'accord que Patrick Roy démontrerait plus d'émotion que Jacques Martin. Tout à fait. Là, la question, bon, comme je disais, on oublie les deux entraîneurs que j'ai nommés. Randy Collingworth, c'est un grand entraîneur dans le même moule exactement que Jacques Martin, très calme, très tactique. Qu'est-ce que ça va donner? Je pense pas qu'il ait été nommé. Ça n'a rien donné. Ben là, faut pas juger ça à Non, je suis d'accord avec toi, mais tu sais, reste que, c'est quand même un move qui est quand même important et ça envoie un signal clair. Ben, si tes gars répondent pas immédiatement, j'ai l'impression, tu me corrigeras, écoute. Ben, regarde, ça regarde mal. Regarde dans tous les autres entraîneurs qui ont été congédiés cette année. Anaheim, Bruce Boudreau du côté de Washington. Qui s'est retrouvé un poste d'ailleurs Saint-Louis. Il y en a eu plusieurs qui ont été congédiés du côté de Columbus aussi. Je pense qu'aucun entraîneur a remporté son premier match. Dale Hunter n'a pas remporté son premier match. Ken Hitchcock non plus. Et même dans la plupart des endroits, c'est pas des succès malgré le changement d'entraîneur. Donc, tu sais, faut se poser la question, est-ce que c'était vraiment l'entraîneur le problème? La seule place où c'est un succès, je pense que c'est Ken Hitchcock du côté de des Blues, qui est, je crois, quelque chose comme 7-2, ça va bien, là. La chose qui pourrait être positive, par contre, c'est que c'était le moment parfait pour changer d'entraîneur. Le Canadien part sur la route pour ses 6 prochains matchs. Donc, automatiquement, en partant sur la route pour ses 6 prochains matchs, ça donne le temps de bâtir la relation. Parce que Randy Connerwood, c'est un entraîneur adjoint, donc tu es plus proche de tes joueurs normalement. Là, tu dois t'éloigner de tes joueurs un peu pour aller chercher l'autorité que tu n'avais pas normalement alors quand tu étais assistant entraîneur. Donc, c'est le moment parfait. Par contre, difficile semaine pour le Canadien. Ce soir, les Bruins de Boston, c'est à Boston justement. Après ça, les Blackhawks mercredi. C'est des grosses équipes. Là. Et les Jets de Winnipeg jeudi. Ça, donc, c'est des grosses équipes. Gros, ça, mais... Ouais, c'est ça. Ben, ouais, mais c'est à Winnipeg. Ça marche dans l'MTS Center. Il y a de l'ambiance. Il y a beaucoup d'ambiance. Puis, c'est bon, du côté des Jets, on est 9e au classement. Je m'attendais à les voir beaucoup plus bas que ça, les Jets. Donc, j'admets aisément qu'ils me surprennent, les Jets, là, présentement. Et l'autre question qu'il faut se demander, bon, ben, c'est le fameux fait français. C'est le ben, parce qu'il parle pas français du tout. C'est ça. C'est le premier entraîneur à être nommé. C'est la première personne anglophone, unilingue, à être nommé à la barre du Canadien depuis Bob Berry en 84. Mm. Ça remonte à très longtemps. J'ai réfléchi à ça. Moi, je trouve que l'important, c'est les victoires. L'important, c'est les résultats. Ce que Randy Collingwood va... Ou tout autre entraîneur, parce que là, il est nommé par intérim. Non, c'est ça. Lui, il est juste là en attendant. Il y a des... On reste... S'il fait ses preuves, il va pouvoir rester là. C'est ça, exactement, Mathieu. Mais bon, pour l'instant, il est par intérim. Pour l'instant, il est par intérim. Est-ce que c'est important d'avoir un entraîneur francophone à Montréal? Oui. Est-ce que c'est primordial? Oui, c'est ça, parce que les joueurs doivent parler tous anglais. Mais en même temps, c'est pour le peuple. Oui, pour le peuple. C'est pour les médias, surtout. Ah, OK. On a besoin d'avoir les réactions en français du coach. On est de même, les journalistes. En même temps. C'est sûr qu'on est bougons. En même temps, quand on regarde dans le temps des expos, ils parlaient pas français. Pas pareil, les expos. Non. Maurice Richard pas joué pour les expos. Non. Jean Béliveau pas joué pour les expos. Guy Lafleur pas joué pour les expos. Hey, fâche-toi pas. C'est une parodie. Les Alouettes. C'est une parodie un peu chouette. Les Alouettes. Maurice Richard. Éric Lapointe a joué pour les Alouettes. Puis l'impact. Non, mais tu sais, quand on regarde les gros clubs, quand on essaie de se comparer dans la même ville, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Je suis d'accord avec toi. Dans la tête. C'est une dynastie, le Canadien de Montréal. Il faut faire. Puis même le nom, un E, c'est pas un A, c'est Canadien. Même en anglais, c'est Canadien. C'est ça. Dans la tête des Québécois, le Canadien de Montréal, c'est une société d'État. Ouais. Hein? C'est un flambeau. Je comprends. Le problème, là, c'est qu'on commence à avoir épuisé pas mal la banque d'entraîneurs québécois. Potentiel. À part Patrick Roy. Il y a Patrick Roy qui peut-être. Est-ce que je veux voir Patrick Roy là? Non. J'ai mes grosses réserves. Sinon, le seul autre que je peux voir présentement, Benoît Groulx qui est entraîneur du côté des Olympiques de Gatineau. Moi, je trouve qu'il est un excellent entraîneur, qui a fait ses preuves, qui a monté dans la Ligue américaine avec les Americans de Rochester, qui est redescendu par après, bon, pour réseau familial, entre autres. Je le verrais très bien obtenir un poste, mais qu'est-ce que le Canadien devait faire, là? Présentement, des coachs... On nous a parlé de Bob Hartley. Je vais vous dire une chose. Si Bob Hartley était encore actuel dans ses manières d'enseigner, s'il était encore vu comme un excellent coach, il ne serait pas en Suisse présentement. Je pense que c'est la façon de voir ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec le Canadien? On va le voir dans les prochaines... Cette semaine, dès ce soir contre les Bruins de Boston. Ça va être le deuxième match sous la tenue de Randy Collingwood. Mais je vais vous dire, ceux qui chialent présentement contre le fait que l'entraîneur n'est pas francophone, je pense qu'il n'y avait juste pas d'autre option présentement. Et comme Patrick Roy a dit hier, je suis sûr que ça tracasse un petit peu l'organisation. Je doute fortement là, que, contrairement à ce que certains ont pu dire, là, les Régents Tremblay de ce monde, que c'est un affront au peuple québécois. Ils ont pris le risque. Ils se sont retrouvés dans une situation où... C'était ça. Hey, je peux juste une petite précision. Tantôt, je parlais de coach québécois, l'entraîneur québécois. Claude Julien n'est pas québécois. Là. C'est un Ontarien, mais il est francophone. Donc, on restait dans le même moule. Hey, on change de sujet. On s'en va dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. 2 victoires cette fin de semaine pour les Cataractes de Shawinigan. 3-1 contre Val-d'Or vendredi et samedi soir. Une belle dégelée de 7-0 contre les Huskies de Rouyn-Noranda. Devant seulement 1472 personnes au tout nouveau Arena IM Gold. Il n'est pas nouveau, mais il est rénové. Donc, plutôt décevant de voir ce qui se passe là, du côté d'en haut, là, du côté de l'Abitibi. Les Cataractes sont présentement 4e au classement avec 54 points. Tirs de l'arrière, les Remparts de Québec qui en ont 59, les Sea Dogs de Saint-John avec 57 et l'Armada de Blainville-Boisbriand avec 42, premiers dans leur division. Alors, aujourd'hui, c'est une date très importante de la Ligue de hockey junior majeur. C'est le début de la période de transaction. Donc, les équipes vont avoir d'aujourd'hui, midi, jusqu'au 9 midi pour compléter des transactions. C'est-à-dire l'entre-cégep. Fait qu'eux autres, ils n'ont pas de vacances. Qui ça? Alors, les joueurs de hockey? Ouais. De la Ligue de hockey junior majeur du Québec? Ben, les... Je pense aux quelques vacances. Non, mais tu sais, les coachs, les directeurs généraux. Ben, non, non, c'est du 24 heures sur 24, là, ces gars-là. Là, ça n'arrête jamais. Des machines, comme des, toi. Des machines. Et les Cataractes de Shawinigan ont procédé à une transaction ce matin, ou du moins, ça va être annoncé sur le coup de midi officiellement. Ils ont été chercher l'excellent Jonathan Narbonne de l'Armada de Blainville-Boisbriand. C'est Jonathan Roberge, là, mon collègue, qui nous sort ça ce matin. Donc, Jonathan Narbonne, un excellent défenseur. Ça a coûté un premier choix et un troisième choix au repêchage du côté de Blainville-Boisbriand. C'est un peu la continuité de la transaction qu'il y avait eu avec Nikita Kolesnikov, Storm Faneuf. C'était passé il y a quelques mois. Côte Kirill Kabanov et Sébastien Gauthier qui étaient passés du côté des Cataractes. Ça prend au moins deux défenseurs du côté des Cataractes. Je pense que c'est une très bonne acquisition. Ouais. C'est un défenseur défensif. Il manque encore toutefois un défenseur offensif. Là, parmi les noms qu'on parle, de Brendan Gormley, qui est présentement avec l'équipe canadienne junior. Pas Gordon Bombay. Bon, Brendan Gormley, qui est présentement avec l'équipe Canada junior. On parle de Jérôme Gauthier-Leduc, qui a établi un record cette année pour le nombre de buts pour un défenseur de match consécutif avec un but. Qui est à Rimouski, Morgan Ellis à Cap-Breton et JP Mathieu du côté de Drummondville. Gormley va coûter extrêmement cher, et c'est ce qu'on nous dit présentement. Là, le prix à payer est faramineux. Faramineux. Pour aller chercher un défenseur du type Brendan Gormley, c'est très cher. Moi, j'ai l'impression qu'on demande la lune, j'ai l'impression qu'il y a certains joueurs qui vont rester pris, certaines équipes plutôt qui vont rester pris avec leurs joueurs, où le prix va baisser finalement là, vers la fin de la période de transaction, rendu au 7-8. Là. Mais du côté des Cataractes, c'est sûr qu'on va devoir payer extrêmement cher pour aller chercher ça. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix nécessairement parce que là, les Sea Dogs de St. John se sont encore renforcés cette fin de semaine. Ils ont été chercher Charlie Coyle, qui est un choix de première ronde des Sea Dogs de St. John's. Pas des Sea Dogs, mais des Sharks de St. Jose. C'est les Sea Dogs qui ont été chercher. Il était agent libre, c'est-à-dire qu'il jouait à l'Université de Boston. Ça a l'air d'être gars avec des problèmes avec ses notes. Oh! Donc, t'es sur le bord de plus pouvoir jouer. Décidé de s'emmener au Canada. On parle d'une transaction qui a coûté très cher du côté de St. John, parce que vous savez, les joueurs de junior majeur, c'est à peine payé, là, une petite rétribution. On parle d'un chèque fait en bonne et due forme dans les plus de 100 000 $. Oh, ouais. Fait que si vous pensez que le hockey junior majeur, c'est pas une affaire de gros bidou, vous vous trompez énormément. On avait aussi du côté des Cataractes une entente avec les Voltigeurs de Drummondville pour aller chercher les droits de Sean Couturier, qui évolue présentement avec les Flyers de Philadelphie. Ouais. Mais là, avec la blessure de Claude Giroux, on a parlé avec l'organisation des Flyers, et du côté de l'organisation des Flyers, on a informé les Cataractes que, regarde, ça serait étonnant que vous voyez Couturier dans vos terres. Ouais. Donc, à ce moment-là... Mais ça va bien pour lui. À ce moment-là, c'est ça, on préfère ne pas bouger. C'est très compréhensible, si vous voulez mon avis. Ah ouais, donc, ça va être à suivre. Ça débute aujourd'hui. C'est pendant les... Est-ce que ça débute en force ou c'est plus vers la fin ou là? Ça débute en force parce qu'il y a déjà plusieurs transactions qui sont bookées. Okay. Tu sais, comme la transaction Jonathan Narbonne, ça faisait déjà deux mois là, que c'était signé, puis ça restait seulement à envoyer ça à la Ligue. Donc, la première journée, il y a quelques transactions qui vont se dérouler. Par la suite, ça se déroule progressivement et il y a un petit rush vers la fin. Certains joueurs, comme Brendan Gormley, ne peut pas être échangé tant qu'il n'est pas revenu d'équipe Canada Junior. Donc, à ce moment-là, on se souvient que le tournoi junior, ça va jusqu'au 6-7 janvier environ. Donc, lorsque le tournoi se finit, on annonce la transaction, si transaction il y a. Là, il y a quatre joueurs qui vont être avec l'équipe Canada. Parmi ceux-là, Michael Bournival, le capitaine des Cataractes de Shawinigan. Nathan Beaulieu, le choix du Canadien de Montréal. Premier choix au dernier repêchage. Et on va avoir aussi Jonathan Huberdeau et Brendan Gormley. C'est les quatre joueurs de la Ligue d'Hockey Junior Major du Québec qui vont être du côté de Team Canada. Ça, on a des chances de remporter. Ben, comme à chaque année, hein? Équipe Canada... Hey, l'équipe Canada, c'est l'équipe Canada. C'est pas plus compliqué que ça. C'est la meilleure équipe au monde. Les États-Unis, ouais. Les États-Unis, ça vient très bon, très fort. Comme à chaque année, ils ont un programme de développement qui promouvoit beaucoup l'élite. Au lieu de faire du développement de masse aux États-Unis, on promouvoit beaucoup l'élite par ce qu'on appelle le système de développement, le système de développement américain, les US National Development Team, les moins de 18 ans, là, dans le fond, là, qui a formé beaucoup, beaucoup de joueurs. Donc, ça va être à voir ce qui se passe. On va aussi avoir Brendan Gallagher, notre choix du Canadien de Montréal, qui va être avec l'équipe Canada, lui qui connaît beaucoup de succès dans la Ligue de l'Ouest. Très bon. Hey, du côté de hockey, encore le local, le Caron Aiguë, qui disputait deux matchs cette fin de semaine. Vendredi, ils ont réussi à aller chercher la victoire 7-6. C'était au Colisée Trois-Rivières, c'était contre le Wild de Windsor. Donc, une victoire à l'arraché, mais deux points importants. Et on a perdu, par contre, le lendemain à Rivière-du-Loup par la marque de 4-1. Décevant parce qu'il n'y avait que 16 joueurs dans l'alignement du Caron Aiguë au lieu de 19. Décevant aussi parce que, bon, ce qui est arrivé, c'est qu'à la dernière seconde, il y a 4 joueurs qui ont dit « Écoute, je peux pas y aller ». Blessure, malade et réseau professionnel pour les deux autres. Donc à ce moment-là, ben, on a réussi à aller chercher un ancien des Patriotes, Philippe Bronsard, qui était sur son corps de travail, honnêtement. selon ce qu'on m'a dit, il était en train de travailler. On lui a dit « Gars, lâche ta job aujourd'hui, là, voici comment on te paye, et t'as nous autres. Ouais. » Fait qu'on était... il était minuit moyenne, mais bon, c'est ce qui a coûté la victoire là, quand tu commences. En plus, il y a beaucoup de joueurs d'amochés du côté du Caron Aiguë, là. C'est pas très, très drôle. Et là, le problème, c'est qu'avec cette défaite-là, on est rendu avec 3 points de différence avec le Cool FM de Saint-Georges. Et à la marque des 24 matchs, quand chaque équipe aura disputé 24 matchs, on arrête la saison-là. Ouais. L'équipe qui est première remporte le championnat de mi-saison, place assurée et séries éliminatoires. On est à 3 points de Saint-Georges. Il reste 3 matchs à jouer pour le Caron Aiguë. Il en reste 2 pour le Cool FM. Donc, les chances sont rendues très, très minces pour... on n'a plus de marge de manœuvre, comme disait hier l'entraîneur du Caron Aiguë, Carl Fleury. La marge de manœuvre est disparue. On se doit de gagner à peu près nos 3 derniers matchs et espérer que du côté de Saint-Georges, on subisse une défaite minimum. Donc, ça va être difficile du côté du Caron Aiguë. C'est pas impossible, mais ça va être très difficile. Et en terminant, messieurs, je parle football. Oui. Monde à l'envers hier du côté du football. Les Packers, qui avaient une fiche de 13 victoires, 0 défaite, ont connu leur premier revers de la saison hier contre les Chiefs de Kansas City. Ce qui est drôle du côté des Chiefs, c'est qu'on a congédié notre entraîneur cette semaine. Ah. Donc, on congédie notre entraîneur et qu'est-ce qui arrive la semaine d'après? On bat les champions du Super Bowl, la meilleure équipe de la Ligue, l'équipe qui n'a pas subi de défaite. Tu sais, des fois, là, congédier un entraîneur, ça peut marcher, mais... ça montre peut-être qu'il y avait du talent dans l'équipe puis qu'on se faisait juste pas se forcer. Je dis ça de même. Je sais pas que c'est dans le thème, là, mais bon. Une défaite de 19-14 du côté des Packers. Donc, comme je dis, du côté des Chiefs, c'était leur Super Bowl. La folie sur le terrain après ça. Là, on venait de battre l'équipe favorite pour être championne encore. La défensive des Packers n'a pas été l'ombre d'elle-même. Ça aurait même pu être pire comme pointage. C'est parce que les Chiefs n'ont pas profité dans la zone payante dans les 20 verges avant la zone des touchés. Donc, c'est la raison qui explique pourquoi c'est seulement 19-14. Ça aurait pu être beaucoup plus que ça. Les Patriots qui ont vaincu Tim Tebow, Jesus. Oui, Jesus, guys. J'ai vu, ouais. À genoux et tout. Jesus qui a subi une défaite hier du côté de... c'était du côté du Mile High Stadium. Une défaite de 41-23 pour les Broncos. Bon, certains diront si Tim Tebow est un apôtre de Dieu. Oh. Il faisait face à Tom Brady, qui a l'air d'à peu près d'être le cousin de Jésus. Quand on le regarde, là, il a l'air d'être le cousin de Jésus. Donc, hier, Tim Tebow a rencontré son... il a pogné un mur. Il a pogné un mur et c'est ce qui explique la défaite. Mais c'était à prévoir, là, je veux dire, un moment donné. Non, là, les miracles, là, ça va faire. Là. Ouais. Brady, justement, je parlais de Tom Brady, Jésus 2, là, qui a été magnifique. Il y a 23 en 34, 320 verges par la passe, 2 passes de toucher. Donc, grosse performance. Et ce soir, il y a le Monday Night, il y a le Canadien. Donc, ceux qui veulent écouter la TV, là, vous avez amplement le choix. Ouais. Beaucoup de divertissement. Ouais. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, messieurs. On se retrouve en janvier. En janvier. Oui. Toujours le lundi. Ben, voilà. Ouais, passe. Je pense qu'on a une belle combinaison. Voilà. Donc, dès le 9 janvier. Dès le 9 janvier. Voilà. Merci encore, Nicolas. Et puis, passe de joyeuses fêtes. Et vous aussi, messieurs. Bon solstice d'hiver. Bon solstice d'hiver. Et tout. Ouais, joyeuses fêtes, peut-être dire Noël. Ah, si tu veux dire, hein. Ben non, joyeux Noël. Ben Noël. Noël. Nous, ben, est-ce qu'on termine l'émission ici? On peut bien. On peut bien. Ouais. C'est pas mal la fin de l'émission. On se retrouve demain matin à 7h avec une autre édition d'Assemblage requis. Demain, il y aura Stéphanie Gagné, sa chronique Ton plat favori, à 8h. Donc, elle va nous parler de quoi? Je sais pas. On sait jamais. Est-ce qu'il y a encore la musique de Noël comme la semaine passée? Je sais pas. Peut-être. Est-ce que j'espère que oui? Je sais pas. Oh, ben là. Ah, ben là, c'est notre histoire. Sinon, il y aura aussi demain la chronique littéraire de Marie-Pierre Laforge-Bourret. Mais en fait, il va nous parler d'un film. Okay. C'est bizarre dans une chronique de livre, mais c'est une chronique sur le film basée sur le livre dont j'ai déjà parlé il y a 2 semaines. Okay. On essaiera de vous expliquer ça en long et en large. Parfait. On se quitte avec une pièce de Annie El Khatib sur l'album Will the Guns Come Out. On va écouter l'extrait Build, Destroy, Rebuild. Restez sur nos ondes parce que dans quelques minutes, ce sera la sécheuse. À 11h, il y aura Danny Janvier avec le dîner de con. Et puis en après-midi, avec Marie-Pierre, la force bourrée et moi-même, ce sera les palmes à assez fous. Donc soyez à l'écoute. Passez une excellente journée. François, merci. Merci, Mathieu Plante. Merci à Kiwan en cavale. Merci à Nicolas Duchamp. Merci à Xavier Antoire. Bye.